sous sa couche de patine. Sur le mur, près de la cuisine, il s'y reflète des cheveux blancs. Un visage eu, c'est pas le temps et la vieillesse qui se dessine. Au fond des rides assassines, elle en a connu des années. Sur les plis, sa peau tannée, elle en a connu des histoires qui vivent. Un jour.